C'est parfois là où l'on s'y attend le moins, qu'un homme de raison et de passage. Toi qui fais souvent le malin, écoute les paroles de Jérôme le sage qui dit: ami jeune, détourne-toi de la bouteille, l'alcool c'est le mal, la vodka c'est caca. Le gigonda se s'atabasse, le vol trop vite chez l'eau. Le gigonda se s'atabasse et l'ouzo c'est pas beau. Le vin c'est un bourrin, l'eau de vie est moisie. Oui, l'alcool c'est le mal, la vodka c'est caca. Le gigonda s'atabasse et l'ouzo.